Il a des paroles comme dans son livre Shahid al-Mihrab, il dit: فَلَا دَاعِيَ لِلتَّشَدُّدِ فِي النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ فِي كَرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَاللُّجُوءِ إِلَيْهِمْ فِي قُبُورِهِمْ الطَّاهِرَةِ وَالدُّعَاءَ فِيهَا عِنْدَ الشَّدَائِدِ. Il ne faut pas être dur et reprocher à ceux qui croient au miracle des pieux et le fait de revenir près de leur tombe pure et le fait d'invoquer auprès d'elle en cas de difficulté. Alors pour lui, c'est pas, il faut pas être dur dans cela, c'est pas grave, c'est une divergence. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça, c'est le tawhid que vous avez appris jusqu'à présent, que vous lisez dans le Coran? Le tawhid pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra? Le tawhid pour lequel les mushrikines l'ont expulsé de Mecca? Hein? Pour lequel ils l'ont combattu? Pour lequel Allah, il a légiféré la hijra ou le jihad? De même, le murshid, le guide suprême qui est venu après lui, Hamid Abu Nasr, il déclare, dans Majalat al-Alam, dans l'année 1986, il dit: Nuriduha démocratiyatan kamila, shamila lil-jami'. Nous voulons une démocratie complète pour tout le monde. Nous voulons une démocratie complète pour tout le monde. Vous savez, Akhwan al-Muwahidin, le jugement de la démocratie dans notre din. En quoi c'est du shirk akbar? C'est une religion autre que la religion de l'islam. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. De même, vous connaissez le jugement de Rawaf dans l'islam. Or, le troisième murshid, troisième guide des frères musulmans, Omar Tlemissani, il déclare dans Majalat al-Da'wa, volume 105, en juillet 1985, il déclare: التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن. Le fait de rapprocher entre les sunnites et les chiites est une obligation pour les savants en notre époque. Il faut rapprocher entre le tawhid et le shirk, rapprocher entre sunna et shi'a, il faut rapprocher entre ceux qui aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les insultent et les rendent mécréants. Vous connaissez le jugement des chiites et le jugement de ces choses-là. Vous avez de manière générale le jugement des ikhwan. Regardez maintenant à notre époque. Jetez un œil sur ce qui s'est passé. Vous avez l'Ikhwan qui, les années qui viennent de passer, ont pris le pouvoir dans plusieurs pays. L'Ikhwan ont pris le pouvoir à Gaza en 2006. Hamas, la branche de l'Ikhwan en Palestine. Harakat al-Muqawama al-Islami. Ont-ils fait de 2006 à notre époque? Est-ce qu'ils ont appliqué la charia? Ils n'ont pas appliqué la charia. Mais même, ils ont tué, assassiné un groupe de frères mené par le cheikh Dr Abdel Latif Moussa, Abu Nour al-Maqdisi. Ils l'ont assassiné parce qu'il a demandé au gouvernement d'Ismaïl Haniyeh l'application de la charia. Alors que Hamas est proche de ce qu'on parlait, c'est une ta'ifa murtadda mumtani'a. C'est un groupe d'apostasie. Qui n'appliquent pas la charia, et en plus, mumtani'a, c'est-à-dire qu'ils combattent ceux qui veulent qu'ils appliquent la charia et ils les tuent. Et tout ça, ça s'est passé dans l'année 2008, à Gaza, ce qu'on appelle Ahdath al-Masjid al-Abyad, dans la mosquée Ibn Taymiyyah. La mosquée Ibn Taymiyyah à Gaza, comment ils ont bombardé la mosquée et comment ils ont tué. Donc, c'est des gens qui donnent un exemple, qui disent qu'ils sont là pour l'application de la charia. Hein. Ils ont été créés pour rétablir le califat, et qu'ils sont un groupe de prédication islamique. Et voilà leur position par rapport à ces points-là. Il y aurait beaucoup à dire sur ce groupe-là, sur ce qu'ils font actuellement, sur ce qu'ils ont fait les années précédentes en Irak, par exemple. La branche des frères musulmans irakiens s'appelle Al-Hizb al-Islami. Al-Hizb al-Islami ont collaboré d'entrée avec les Américains lorsqu'ils ont envahi l'Irak en 2003. Ils ont participé à l'écriture de la constitution irakienne, qui est une constitution de kofr, un tarout, qui est une obligation pour chaque musulman de désavouer. Ils ont participé à la guerre contre Al-Sunna, alors qu'ils se prétendaient eux aussi d'Al-Sunna, jusqu'à notre époque. De même, dans d'autres pays, le rôle des Ikhwan, qui sont actuellement au gouvernement au Maroc, sont actuellement au gouvernement une branche des Ikhwan en Turquie. L'Adal et Tamir. De même, lorsque Mursi, qui a été renversé par la suite, a pris le pouvoir en Égypte, a-t-il appliqué ne serait-ce qu'un jugement de la Sharia? Aucun. Mais au contraire, il a combattu ceux qui voulaient l'application de la Sharia en tuant les frères au Sinaï, hein, à la péninsule du Sinaï. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika, wali ba'd al-zalimina ba'dan bima kanu yaksibun, Allah l'a châtié en envoyant sur lui plus injuste et plus kafir que lui, c'est-à-dire les généraux, particulièrement Sisi, qui l'ont renversé, alayhim jami'an la'natullah. Le deuxième groupe, Jama'at al-Tabligh. Jama'at al-Tabligh, un groupe qui a été fondé en Inde par Mohamed Ilyas al-Kandahlawi. Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, qui est né en 1303 de l'Hijra et qui est mort en 1364 de l'Hijra. 1303-1364. Ça correspond à 1885-1944. Il a fondé à la fin des années 20 en Inde Jama'at al-Tabligh, Tabligh et Jama'at en Urdu. Je vais traduire par le groupe de la prédication, le groupe de la transmission. La situation de l'Inde était une situation catastrophique lorsque le Tabligh a été fondé, puisqu'elle était occupée par l'Angleterre. Répandu le soufisme. Mohamed Ilyas Kandahlawi est d'ailleurs issu d'une secte soufie et d'un mouvement indien innovateur issu d'une école qu'on appelle Deobandiya, Deoband. Il était donc Maturidi dans l'Aqida, c'est-à-dire qu'il renier ou interpréter les attributs d'Allah, et qui considère que la foi, c'est la reconnaissance du cœur, tasdiq bil qalb. Et il était au niveau de son soulouk, soufi. Et il faisait l'istinjad bil qubur, il allait sur les tombes, méditer. C'est une bid'a. La Jama'a est basée sur plusieurs aspects. Toute personne qui s'est mélangée avec eux connaît ces aspects. Le premier, l'interdiction d'interdire le mal. On ne dit pas aux gens ce que tu fais du shirk. On ne dit pas aux gens ce que tu fais est haram. L'interdiction de parler de ce qu'ils appellent la politique. L'interdiction de parler de ce qui se passe dans le monde islamique. Ce qui arrive aux musulmans, l'établissement du califat. Est-ce que Jama'at al-Tabligh est connu pour appeler au tawhid? Kalla wa al-fala. Jamais on les a entendus. On est leurs grands prêcheurs, leurs petits prêcheurs, leurs ignorants ou leurs savants, mettre en garde les gens contre le shirk, appeler les gens à mécroire au tarot. Enseigner aux gens les conditions de la ilaha illallah, les annulations de la ilaha illallah, mettre en garde contre les bid'ah. Au contraire, les endroits d'où sont apparus le tabligh, duquel il s'est répandu dans le monde entier, Inde, Pakistan, Bangladesh, sont des endroits qui regorgent de shirk akbar, l'adoration des tombes. Il semble même, selon de nombreux témoignages, que l'adoration des tombes soit pratiquée en Nizam al-Din, au marquez fondateur de cette jama'a, sur les tombes des fondateurs. Mohamed Ilyas était à la tête de la jama'a. Il a succédé Mohamed Youssouf al-Kandahlawi, Il a succédé Imam al-Hassan. Imam al-Hassan, quelqu'un qui était connu pour porter des amulettes, des talismans. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man allaqa tamimatan, faqad ashrak. Celui qui porte un talisman, il a associé. Hadith sahih. Cela montre le mawqif, la position de cette jama'a sur l'appel au tawhid. Quant à la aqidah, nous l'avons dit, la aqidah de ses fondateurs est maturidiyya. C'est une aqidah qui n'est pas sunniyya, qui n'est pas conforme à la sunna. Ni dans l'iman, ni dans sifat, les attributs d'Allah, ni dans le reste. Mais en réalité, comme c'est rapporté par les chouïrs qui ont écrit sur le tablier, par Hamoud Touhij, ils détestent l'appel au tawhid. Et il est arrivé que des gens soient exclus de Jama'a juste parce qu'ils possédaient Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, explication de l'évite de Tawhid, ou le livre du Cheikh Mohammed bin Abdel Wahab, rahimahullah ta'ala. Pense que c'est clair que ce groupe non plus n'est pas le groupe de l'Haqq, ne serait-ce que sur les premiers points de Tawhid. Que dire alors de l'attachement au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à des salaf? Que dire alors des points que nous allons citer par la suite? Troisième groupe, Al-Ahbash. Al-Ahbash. Al-Ahbash se nomme en France APBIF, l'Association de projets de bienfaisance islamique en France. Jama'iyyatul Mashari' al-Khayriyya al-Islamiyya. Ils sont basés au Liban. Le fondateur de ce groupe, qui s'appelle Abdallah al-Harari al-Habashi, il est né dans la ville de Harar, en Éthiopie. Il est ensuite allé vivre au Liban. C'est pour ça, comme leur cheikh est Habashi, éthiopien, on les nomme Al-Ahbash. Et donc, l'Ahbash, il repose sur plusieurs croyances. Al-Habashi et Ash'ari. Ash'ari, c'est une croyance qui implique le reniement des attributs d'Allah, l'interprétation des attributs d'Allah. Et il est plus proche en réalité de Jahmiyyah, c'est-à-dire qu'il renie réellement les attributs. Et il ajoute à cela, ce qui est présent chez certains Ash'ari, mais pas tous, qu'il fait le takfir de toute personne qui affirme les attributs d'Allah. C'est-à-dire qu'ils feront le takfir de toute personne qui affirmera l'attribut de la main d'Allah, ou l'attribut de l'élévation d'Allah, qu'Allah est au-dessus de toute chose et au-dessus du trône. Et pour eux, il faut faire ta'wil, l'interprétation des versets du Coran. Ils sont murji'a ou min jahmiya dans les questions de l'iman. Ils sont soufiya, soufis dans leur comportement. Et ils auraient certaines tendances chiites. Ce qui parle mal de certains compagnons, dont Muawiya radiallahu anhu. Et le plus grave de tout cela, c'est qu'ils adorent les tombes. Ils adorent le temps. Ce qui a fait que de nombreux mashayikh ont déclaré leur takfir, contrairement aux deux premiers groupes, qui comptent parmi eux, c'est-à-dire l'Ikhwan et l'Tablir des Kuffars. Mais l'Ahbash sont des Kuffars. Sont des mushrikines. Ils adorent le temps, les attributs d'Allah, comme Jamia dans l'Iman, et parmi eux, il y en a un qui s'allie aux chrétiens, contre les musulmans qu'ils nomment wahhabites. Il nomme tous les musulmans qui affirment les attributs, renient le shirk, ou lisent les livres d'Ibn Taymiyyah ou de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab comme étant al-Wahhabiyya. Les Wahhabis. Wahhabiyya égale pour eux kafir, c'est-à-dire qu'ils te rendent mécréant. Et ils ont un courage dans cela, une jara'a, ce qui va te directement, à part s'il a peur de toi physiquement, te traiter de kafir. C'est-à-dire que tu es un kafir. Tu n'es pas musulman. Les Wahhabis ne sont pas musulmans. D'accord?